cause he's got no job. Just plays guitar, smokes a lot of pot. She committed suicide. Brandon OD'd and died. What the hell is going on? Cruelest dream reality. Jesus Christ. Nothing's free. Longing for more. Used to be. Still it's hard. Hard to see. Fragile lives and shattered dreams. Et bien voilà, c'était les Offsprings avec le titre The Kids Are Not Alright sur RGM. Presque 8h38, on parle anniversaire et il y a pas mal de chanteurs hein, qui sont nés un 4 février. Et on commence en 1941 avec la naissance de John Steele, batteur anglais du groupe The Animals, dont on écoute un extrait du titre The House of the Rising Sun. Voilà pour l'extrait du groupe The Animals. 1947, naissance de William Lémergie, journaliste, animateur, producteur télé français, connu pour avoir présenté pendant de nombreuses années l'émission Télématin. Et depuis 2017, il présente William à midi. 1948, naissance d'Alice Cooper, chanteur américain. On écoute tout de suite un extrait de son titre « Poison ». Voilà pour l'extrait d'Alice Cooper. Et là, on va changer totalement de registre musical avec en 1962 la naissance de Clint Black, chanteur américain de musique country. Et on écoute tout de suite un extrait de son titre « Killing Time ». You were the first thing I thought I'd drank you off my mind. When I get lost in the liquor, you're the only one I find. If I did the things I oughta, still would not be mine. So I keep a tight grip on the bottle, getting loose and killing time. This killing time is killing me. Voilà pour l'extrait de Killing Time, donc du chanteur Clint Black. On reste en 62 avec la naissance également de Christopher Buckles, acteur allemand connu pour son rôle du commandant Schneider dans la série télé Un village français. 1963, naissance de Kevin Wasserman, guitariste du groupe punk rock californien The Offspring. 1969, naissance de Brandy Ledford, mannequin, actrice américaine, vue dans la série télé Alerte à Malibu dans le rôle de Dawn Masterton et vue également dans la série Andromeda dans le rôle de Doyle. 1970, naissance de Gabrielle Anwar, actrice britannique, vue à la télévision dans la série Burn Notice et Once Upon a Time depuis la saison 7 dans le rôle de Lady Tremaine. 1971, naissance de Rob Corddry, acteur américain, vu au cinéma dans W, l'improbable président, et Jackpot dans le rôle de Jeffrey Lewis. 1975, naissance de Nathalie Imbruglia, mannequin chanteuse australienne, et on écoute tout de suite un extrait de son titre Torn. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Voilà pour Nathalie Imbruglia. Allez, on continue. 1977, naissance de Gavin DeGraw, chanteur, guitariste américain qu'on va écouter dans quelques instants. 1979, naissance de Mareva Galanteur, chanteuse, comédienne française qui a été élue Miss France en 1999, vue dans le film 3-0, les séries télé Julie Lescaut et Le Proc. Et on la verra ce vendredi dans l'émission Star à Nu, aux côtés de d'autres actrices, chanteuses ou même Miss France hein, pour la bonne cause, hein, pour la prévention, pour le cancer du sein. Et donc Mareva Galanteur s'est essayée à la chanson et elle a notamment sorti le titre « Pourquoi pas moi ?». Petit extrait. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Moi je trouve que j'ai tout pour faire une idole. De mes chansons, j'écris musique et paroles. Je devrais déjà gagner des sommes folles. Oui, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas un sou. Pourquoi pas moi ? Je fais très bien. Pourquoi pas moi ? Je fais très bien. J'ai tout pour plaire, je chante comme une casserole. J'ai 14 ans, je vais encore à l'école. Pourquoi pas moi ? Je fais très bien. Pourquoi pas moi ? Je fais très bien. Voilà pour l'extrait de Mareva Galanteur. 1982, naissance de Kimberly Wyatt, chanteuse américaine du groupe Pussycat Dolls. D'ailleurs, le groupe va bientôt se reformer. Elles ont notamment sorti le titre J.O. Petit extrait. Say ho, Voilà pour les Pussycat Dolls. Allez, on continue, on termine les anniversaires. 1985, naissance de Leslie, chanteuse française. 1990, naissance de Nairo Quintana, cycliste sur route colombien, ayant remporté le Tour d'Italie 2014, le Tour d'Espagne 2016, le Tirreno Adriatico 2015 et 2017. Il a remporté 8 étapes de grand tour, 3 sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Italie et 2 sur le Tour d'Espagne. Il a remporté également 5 classements annexes de grand tour, le classement du meilleur jeune du Tour de France 2013 et 2015, du Tour d'Italie 2014, le classement de la montagne du Tour de France 2013 et le classement du combiné du Tour d'Espagne 2016. Et on termine en 2003 avec la naissance de Keila Kennedy, actrice américaine vue à la télévision dans The Walking Dead dans le rôle de Mika Samuels ou encore Speechless dans le rôle de Dylan DiMeo. Allez, tout de suite, on s'écoute le chanteur Gavin DeGraw avec son titre I Don't Want To Be qui est connu pour être le générique de la série à succès Les Frères Scott. On l'écoute tout de suite. I don't need to be anything other than a prison guard son. I don't need to be anything other than a specialist son. The two souls in one. What I wear, I'm going. It's nowhere where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I can do is think of me and our peace of mind. I'm tired of looking around the room, wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. This and that, you're gonna have to leave. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation made from clay to stone. And now I'm telling everybody, I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and our peace of mind. We'll be right back. Gavin DeGraw sur le 107 FM, il est pile 8h52 et on parle météo. La météo. En ce début de journée, nous avons droit à quelques petites accalmies puisque cette nuit, il a beaucoup plu, neigé en hauteur. Il y avait du vent également et d'ailleurs à cause de la neige et de la pluie, eh bien, les rivières et les fleuves sont en train de déborder. Hein, donc soyez vigilants. Et pour la journée d'aujourd'hui, eh bien, ce sera pluie et neige au programme. Mais la neige vers 700 mètres. Hein, des températures qui ont nettement chuté par rapport à la journée d'hier. On débute cette journée avec 3 et 4 degrés et pour cet après-midi entre 4 et 6 degrés. Pour mercredi, ça devrait être une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et pour jeudi, les températures continuent de diminuer. On aura encore du soleil avec quelques nuages, mais entre moins 3 et moins 2 degrés prévus pour jeudi matin et entre 5 et 6 degrés pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On débute le tennis avec les résultats de Montpellier et l'élimination de Nicolas Mahut en 3-7 face à Ruusuvuori, l'élimination de Benchetrit en 2-7 face à Dzumur et par contre les qualifications de Barrère et de Kwakwo qui se sont tous deux qualifiés en 2-7. Kwakwo affrontera aujourd'hui Krajinovic et Herbert se repose à Stakowski et au tournoi de Pune aujourd'hui Ohang affrontera Milojevic. Un mot de basket avec les résultats de la NBA, il y avait pas mal de Français sur les parquets cette nuit avec notamment un duel franco-français entre Charlotte et Orlando et c'est Orlando qui s'est imposé 100-112. Nicolas Batum n'a pas joué et 17 points pour Evan Fournier. Autre duel franco-français entre l'équipe de Brooklyn de Lua Okaboro et l'équipe de Phoenix de Okobo. C'est Brooklyn qui s'est imposé 119-97, 13 points pour Lua Okaboro, 5 pour Okobo. L'équipe de New York de Tilikina s'est imposé après prolongation face à Cleveland, 134-139, 9 points pour le français. L'équipe de Washington de Miami s'est inclinée face aux Golden State Warriors, 117-125, 2 points et 5 rebonds pour le français. L'équipe de Détroit de Doumbaya s'est inclinée face à Memphis, 96-82, 6 points et 7 rebonds pour le français. En Pro B ce soir, Nancy reçoit Saint-Quentin et en National 1, le Jet Vosges se déplace à Rueil-Malmaison. Il y a du football également ce soir avec de la Ligue 2, Nancy qui reçoit Sochaux. Et on va parler du roller derby, on vous en a parlé la semaine dernière. Ce week-end avait lieu le championnat de France à Épinal. Le club spinalien compte une victoire et une défaite lors de ce week-end et depuis le début du championnat, eh bien, c'est 3 victoires et une défaite pour le club spinalien. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Leslie en duo avec Amine. C'était le titre Sobri. Souvenez-vous, c'était ceci. Dimtini, you will eat a commitment.